sound. Beats, rhymes, style, wicked. Breakers, sneakers, all the night freakers. Ever by a junkie of a break be chosen. C'est partir, je respire la vie, la seule unique vraie. Comprends mon ivresse, laisse les siffler, je vivrai. Cette feuille c'est tout ce qui me tient en vie. Donc évite que je parte en vrille, trop sans vie. J'aimerais bien te dire que le rap j'en vis. Juste la cible en vue, et pour le moment trop de flics au cul. Tout est réfléchi mais la plupart des fois c'est au cul. Il reste que les couilles, que les fouilles. Je l'ai dit, je traîne qu'avec des couilles. Qu'avec des couilles, qu'avec des couilles, couilles. Plein de fractures, quand ta seule idée c'est partir. Qu'est-ce t'en sais? Je sais que la vie est pleine de fractures. Quand ta seule idée c'est partir, il suffit de toi. Je suis d'un bon coup. De mots gris en mots gris, les jours avancent, nos vies une loterie. Où il faut semer la malchance et les hypocrites. Avant d'atteindre l'autre rive, rire de ce que les autres disent. Chacun ses choix, en Suisse on dirait que c'est la guerre vu que c'est chacun chez soi. Dans ce monde local, c'est plus y'a thune, moins y'a de partage hein. Comme au local, c'est plus y'a de potes qui boivent, moins y'en a qui partagent hein. Et tant pis pour les neurones, du moment qu'on est heureux. Marre des pensées moroses, des propos peureux. Juste là pour Péra, pour se faire plaisir. Faut du concret, plus des on verra. Au lieu de se marcher sur les pompes, faudrait tous qu'on profite. On dirait que personne se rend compte que la vie va trop vite. On me dit qu'étac, réveillez-vous. Tout se passe à l'improviste, pour tout ce qu'on vit. C'est assez court comme ça, tous les jours se faire ce qu'on aime. Je suis assez pour comme ça. Plein de fractures, quand ta seule idée c'est partir. Qu'est-ce t'en sais, je sais que la vie est flic. Fracture, quand ta seule idée c'est partir. Qu'est-ce t'en sais, je sais que la vie est flic. Fracture, quand ta seule idée c'est partir. Qu'est-ce t'en sais, la vie est flic. J'ai une fracture. Pour toi c'est peut-être qu'un synchro. Et si c'était un bon coup.